Les cendres par Charles-Henri Hirsch. Par les plus beaux jours, l'âge retenait ces deux voyageurs à l'hôtel. La liste des arrivées les désignait ainsi en provenance de Paris, Madame de Courtais, Monsieur Claude. Cela ne les avait renseignés ni rendus curieux davantage l'un de l'autre. On les eût dit des jumeaux, par les traits de leur faiblesse analogue, la distinction de leur manière, et quelque chose de pareillement secret, surtout, qui attirait sur eux l'attention. Ils ne souffraient d'aucune infirmité spécifique. Elle ne se déplaçait qu'avec le secours d'une dame de compagnie. Comme c'était deux mots d'autrefois, il avait un secrétaire valet de chambre et il empruntait l'aide pour aller et venir. Au bout d'une quinzaine, ils voisinaient dans la même réserve. Quelqu'un les salua et fit les présentations. Leur entrée en commerce les laissa à leurs habitudes de méditation. Le site italien, son lac, les collines autour de l'eau, furent l'aliment facile de leurs paroles. Même quand la conversation se débrida, elle était suspendue de longs silences. Comme au hasard, après une semaine environ, la vieille dame parla d'une personne que M. Claude avait connue. Ils en vinrent à évoquer des gens et à situer des faits par des dates. L'initiative de ses souvenirs revenait à Madame de Courtais, et elle reprochait aimablement à M. Claude une nonchalance de la mémoire. La critique, une fois, le fit répondre qu'à certains rappels, le cœur lui battait avec la force de la quarantaine. Son visage devint si heureux tout à coup et exprima une animation si singulière que sous les bandeaux d'une glorieuse blancheur, le blanc visage de Madame de Courtais se colora un peu de rose. Le lendemain, le surlendemain, M. Claude n'étant venu sur la terrasse ni dans le hall, elle envoya sa dame de compagnie aux nouvelles, à l'appartement, et celle-ci rapporta un billet tracé d'une plume qui avait beaucoup tremblé au doigt, où M. Claude, souffrant, priait Madame de Courtais de lui rendre visite, en souvenir de quelqu'un dont il tenait à l'entretenir. Elle accepta pour l'après-midi. Sa réponse était venue avec un bouquet. Il faisait un beau soleil. M. Claude grelottait, un lourd plaid sur ses épaules, dans son salon. « Ne vous levez pas, cher monsieur, » lui recommanda Madame de Courtais. Il la remercia d'une manière qui était un élan spirituel, sans pouvoir bouger. Les fleurs étaient dans un vase sur la table auprès de lui. Il y avait au pied du vase un objet recouvert d'un foulard de soie sombre. Cela intrigua la vieille dame. Elle ne le laissa nullement paraître. M. Claude vit qu'elle portait à la main gauche une bague qu'il n'avait encore pas vue. Un scarabée d'or aux yeux de diamant. « Vous n'aviez pas ce bijou. J'ai remarqué que vous ne portiez aucune bague. J'ai vu le même scarabée à la personne dont je voulais vous entretenir, » dit-il, après avoir supplié que l'on ne parlât plus de son malaise. Madame de Courtais ôta la bague de son annulaire et l'attendit à M. Claude. Il se borna à la regarder et sa figure exprimait un saisissement de joie. « Il y a une inscription dessous, » murmura Madame de Courtais, émue autant que lui. Il se couvrit la face de ses deux mains et il les joignit ensuite paume à paume. Le souffle lui manquait et elle aussi semblait avoir perdu l'haleine. « N'avez-vous pas connu ? Je vous demande pardon. J'allais trahir un vieux serment que j'ai toujours respecté. J'ai juré autrefois de ne jamais nommer quelqu'un, de ne jamais chercher à la revoir, ni de me révéler à elle. C'est pourquoi je voyage sous le nom de M. Claude. » Il parut avoir épuisé tout le reste de ses forces. Son regard était une grande lumière et celui de Madame de Courtais vacillait, profond, ébloui par cette ardeur subite. Elle avait posé la bague sur la table avant de s'asseoir au creux du fauteuil où l'avait assise sa dame de compagnie. La brise du lac entrait par la fenêtre et sur ce qu'il cachait, le foulard de soie frémissait comme s'il avait reçu la vie. « Claude, est-ce vous ?» soupira Madame de Courtais. Elle était transfigurée. « À notre âge, les serments comptent-ils encore ? » demanda-t-elle. Il éluda de prononcer la sentence. « Après votre départ, un an après, je suis devenue veuve. J'ai épousé M. de Courtais. Je m'étais donné 10 ans pour vous rencontrer puisque j'étais libre. Je n'ai pas attendu tout à fait ce délai. » Elle ajouta, Je pensais que vous m'aviez oublié. » Une onde un peu vive de l'air lacustre fit flotter le foulard que M. Claude venait de saisir. Il approcha du bord de la table le coffret découvert. C'était une boîte de cristal assemblée par une armature d'or. Dedans, il y avait un dépôt de poudre grisâtre. Je ne me suis jamais séparé de ce coffret. Quand j'en ai fait souder le couvercle, il était rempli de cendres jusqu'au bord. Elles sont devenues cette pincée de poussière. Ce sont toutes vos lettres. Je les ai brûlées une à une nuit, après avoir trop souffert de les relire. Je voulais les conserver et les oublier. Mon cœur les contenait mot à mot. Je les sais toutes. Vous en doutez. Il récita, d'une voix religieuse. 18 juillet 1869. Claude, mon Claude, je vous en supplie, ne me contraignez pas à ce qu'il serait indigne de vous et de moi. Nous ne pouvons trahir un ami et un mari. C'est vous que j'aime, mais c'est à lui que j'ai juré d'appartenir. Nous ne croyons pas au bonheur sans le respect de soi, mon Claude, ni vous ni moi. Je vous aimerai toujours et ne me donnerai jamais à vous. Je souffre de ma souffrance et de celle que je vous impose. Assez, assez, Claude, interrompit Madame de Courtay. Les mots douloureux continuaient leur résurrection dans la mémoire de M. Claude. La lettre achevée ainsi, il se passa une main sur le front. « Avez-vous été heureuse au moins ? » questionna-t-il tout bas. « Je le suis, maintenant. » L'aveu s'effaça dans un grand silence. M. Claude parvint à se lever tout seul et l'offrit son bras à Madame de Courtay. « Allons nous asseoir sur le balcon, voulez-vous ? » Ils y furent à tout petit pas et s'y installèrent. Une barque, justement, quittait la rive. Le rameur emportait un couple de jeunes gens qui, déjà, s'étaient enlacés. Monsieur Claude les montra. Madame de Courtay lui replaça sur les épaules sa couverture qui venait d'en glisser. La vieille dame montra son tour l'eau scintillante, prononça tendrement. « Ils ne s'aimeront jamais autant que nous. » C'était les cendres, par Charles-Henri Hirsch.